Cours numéro 5. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. فلا نزال في قراءة هذه المقدمة النافعة في التوحيد avant de citer et d'étudier ensemble هذه الشبه et la réfutation de ces شبه et des ambiguïtés في التوحيد فالمؤلف رحمه الله il a cité عبارة عن مقدمة comme une introduction au départ ويبين ماذا وبين ماذا plutôt الشيخ il appuie sur plusieurs points تفضل وهو التوحيد وهو إثبات الله بالعبادة نعم أي يبين حقيقة التوحيد أي الذي دعا إليه الرسل وأنزل من أو أنزل من أجله الكتب هذا التوحيد العظيم أي أدعي الله سبحانه وتعالى السل زد تفضل نعم كذلك لا يكفي pour rentrer vie l'islam de croire ان الله عز وجل c'est le خالق الرازق المحيي المميت اي توحيد الربوبية ça suffit pas c'est مطلوب c'est important ça fait partie de l'iman لكن pour rentrer vie l'islam il faut obligatoirement prononcer al-shahada et croire en cette shahada et la mettre en application al-shahadu an la ilaha illallah et cette shahada c'est le sens de tawhid al-ibadah ay la ma'bouda haqqun illallah le lien entre tawhid al-rububiyya et tawhid al-uluhiyya ma hu عندما تفضل tawhid al-rububiyya يستلزم tawhid al-uluhiyya من عرف أن الله هو الرب لازم له أن يعبده وحده أحسنت أن الاعتراف بتوحيد الربوبية أي reconnaître أن الله عز وجل c'est le خالق c'est le رازق c'est le محيي المميت c'est le créateur c'est lui qui donne إلى آخره هذا ça doit impliquer ça doit pousser هذا العبد à adorer ce créateur et celui qui adore الله عز وجل seul فلا شك أنه il a adoré Allah parce que c'est le créateur donc ils sont liés amma croire au premier ay tawhid ar-rububiyya et délaisser tawhid al-ibada هذا لا ينفع c'est exactement la situation de al-mushrikun qadiman wa hadithan مع ان de nos jours عياذا بالله كما سياتي معنا ان de nos jours بعض المشركين يشركون حتى في الربوبيه ويعتقدون أن الولي الميت السيد كما يلابل سيد يبولا أنه يبو كري أنه يبو أنه يبو غيرير أنه يبو غيدي أنه عيادا بالله دي شوز كي سون خاصة لله سبحانه وتعالى اي كي فون بارتي دو توحيد الربوبية un dernier point qui est important et on va détailler إن شاء الله أكثر اليوم ما هو تفضل أن العبادة لغير الله ولو بملك لا فرق ولو بملك بنبي أحسنت لا فرق في عبادة غير الله سبحانه وتعالى يا أوكين ديفيرونس إن عبد عياذا بالله شخص ملك ملكا أو نبيا أو ميتا أو ظالما أو صالحا يا أوكين ديفيرونس لماذا؟ تفضل أحسنت لأن العبادة حق لله عز وجل le fait d'accomplir cette عبادة pour autre qu'Allah que ce soit un homme pieux que ce soit un injuste que ce soit un nabi que ce soit un malak que ce soit une pierre لا يجوز مع أن الموحد لا شك أنه il a cette croyance أن الأنبياء c'est les meilleurs hommes أن l'homme pieux il est mieux que l'injuste هذا il n'y a aucun doute لكن من حيث التعبد on n'a pas le droit que ce soit un صالح أو الطالح فهذه المقدمة لنافعة في الحقيقة رسالة القواعد الأربعة confirme tous ces points c'est pour ça qu'elle est très très importante et elle est simple et elle est résumée هنا Ou plutôt le qa'il arba'a, c'est le résumé. Et là, peut-être que c'est plus long. قال رحمه الله فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا أي المشركون مقرون بتوحيد الربوبية فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا فسي tu es convaincu, tu es sûr أنهم ils ont accepté, ils ont reconnu أن الله عز وجل سر قال ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك استفدنا أن هذا الاعتراف ça les a pas fait rentrer في الإسلام. C'est pour ça que le Nabi صلى الله عليه وسلم il les a appelés à prononcer كلمة التوحيد حتى يدخلون في الإسلام. ومع هذا des versets dont ils sont descendus pour montrer أنهم ils ont reconnu الربوبية أي أن الله c'est lui le créateur. Donc la conclusion أن cette reconnaissance elle suffit pas. لا بد من تعبد من عبادة لله وحده. قال وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميها المشركون في زماننا الاعتقاد فلا بد من هذا التوحيد العظيم توحيد العبادة كما قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الله سبحانه وتعالى أمر العباد بل خلقهم pour ce point وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أما واحد qui reconnaît, qui croit, qui a la conviction ferme أن الله عز وجل c'est le créateur. ثم il adore pas ce créateur, فما الفائدة كما تقدم معنا إبليس il a cette croyance أن الله c'est le خالق. C'est pour ça il a demandé à Allah سبحانه وتعالى une limite, un délai حتى il égare tout le monde. لا شك أنه يقنع الله أن تكون خاطئا لكن سأ مجرم سأ كافر تكبر إلى pas voulu se soumettre adorer Allah عز وجل فقط هكذا celui qui reconnaît Allah سبحانه وتعالى en tant que créateur لكن refuse de l'adorer أو il adore Allah il adore un autre أي يشرك بالله هذا c'est pas un مسلم قال وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميها المشركون في زماننا الاعتقاد أي في زمان المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يزابل هذا الاعتقاد قال الشيخ زيد رحمه الله والتوسل بأولياء الله هذا التوحيد العظيم هم يلابل الاعتقاد أي عياذا بالله الاعتقاد في الأموات كما بينا العلامة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى في تعليقاته على كشف الشبهات هسه من أنفس التعليقات والشروح صافي بارتي دي ميورز إكسبليكاسيون دي كشف الشبهات هذا الشرح د العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله لانسيان مفتي د المملكة العربية السعودية قال فيقولون فلان فيه عقيدة يعني يصلح أن يعتقد فيه أن ينفع هكذا كانوا يقولون المشركون إذا فلان في عقيدة أي c'est permis de croire أنه on peut le prendre en tant que شفيع en tant que وسيلة عيادا بالله أي الشرك قال فلان فيه عقيدة يعني يصلح أن يعتقد فيه أنه ينفع بل سبا plus loin عياذا بالله حتى بعضهم يعتقد أن فلان ينفع أي من دون الله سبحانه وتعالى alors que le vivant il peut pas نفع إلا أن يشاء الله et ça reste un سبب أما النافع c'est الله سبحانه وتعالى فما ذلك ميت son corps c'est devenu de la poussière لا يسمع ولا يعلم شيئا ولا ينفع نفسه ولا غيره ثم عيدا بالله يعتقد فيه ils ont cette عقيدة فيه c'est pour ça qu'ils appelaient هذا الاعتقاد الاعتقاد c'est la croyance قال إذا ادعوا في شخص الاعتقاد يعني الادعاء فيه الألوهية انتهى عيدا بالله ils ont des أحاديث باطلة موضوعة في هذا كحديث يعتقد ولو في حجر ينفعك هذا صح حديث موضوع مكذوب، ليس دو كفر دو شرك. اعتقد في حجر ينفعك، اي بلاص تا كونفيونس كخوا كو سيت بيغ ال بو اتر اوتيل ال تو سورا اوتيل. عياذا بالله، اين الايمان بالله؟ وكذلك حديث اذا اعيتكم الامور فعليكم باصحاب القبور. اذا اعيتكم الامور اي سي vous êtes fatigué, vous avez pas de résultat, vous êtes toujours dans votre épreuve, فعليكم باهل القبور اي dirigez-vous vers les tombes, اي demandez aux morts. عياذا بالله. وهذه الاحاديث المكذوبه اي prétend que c'est le prophète صلى الله عليه وسلم qui a dit ça, c'est du kadhib. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لا شك ان رؤوس هؤلاء المشركين ils ont menti sur le prophète صلى الله عليه وسلم en inventant ces hadiths pour égarer les personnes, les gens. والا celui qui a un minimum de base في التوحيد فيعلم ان هذا الكلام c'est pas كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم toute sa vie, la période في مكه et la période في المدينه, il a appelé au توحيد, il a mis en garde contre le shirk. Il a secouru al-muwahhidin, il a combattu al-mushrikin. Fakayf hadha al-kalam as-safil, kalam kufri, a'yadan billah. Fahadha qawluhu rahimahullah yusammiha al-mushrikun fi zamanina al-i'tiqad. Qala Sheikh al-Fawzan hafidhahullah, ay idha arafta anna al-mushrikin muqirruna bi tawhid ar-rububiyyah وأن الذي جحدوا هو توحيد الألوهية وهم يقولون إن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، لكن إذا قيل لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فça montre أنهم ils ont refusé de se soumettre. Ça montre أن leur croyance أن الله c'est le créateur c'est d'aucune utilité. وإلا سأصغي دي كرويان إذ أغي أكسبتي لمساج دي بروفيت صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله سأصمتر أن pour rentrer في الإسلام il faut automatiquement prononcer هذه الكلمة pour celui qui en a la capacité et avoir la ferme conviction que cette كلمة c'est le حق et appliquer cette كلمة. Et l'application de cette kalima, et de shahada, la ilaha illallah, c'est adorer Allah seul et s'écarter du shirk. Amma al-mushrik, il n'applique pas cette kalima. Même s'il la prononce, elle lui est d'aucune utilité. Cette kalima n'a pas été utile aux hypocrites, al-munafiqoun. Et qu'elle n'est pas utile pour al-mushrikoun. Ja'al al-alihata ilahan wahida. إن هذا لشيء عجاب. كذلك نستفيد من هذه الآية أنهم إذن كمخي معنى لا إله إلا الله كما تقدم معنا مرارا وكثيرا معكم. وانا ديفلوبي اكسبليكي كثيرا هذا. عند من أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. سوفرسي من سورة صاد تستفيد منها أن المشركين كنت النبي صلى الله عليه وسلم il aura ordonné, il les a appelé à dire كلمة التوحيد, ils ont refusé. ونستفيد من هذا أنهم ils ont compris le معنى. Qui c'est qui développe قليلا؟ تفضل. أنا نعم لا إله إلا الله ولا معبود بحق إلا الله. المشركين في هذا الزمن يفهم أنه لو يقول لا إله إلا الله فلو ليس في هذا الزمن. لا. المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. Le verset il est descendu sur eux. أما في هذا الزمن شيء آخر. بعضهم لا يدري عن هذه الكلمة شيء. تفضل. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يفهم أو فهم لو أنه قال لا إله إلا الله فلابد أن يترك الآلهة. أحسنت. Ils ont compris أنهم le fait de prononcer لا إله إلا الله. Et c'est la parole qui fait rentrer vers l'islam. Pour que ça soit utile, il faut délaisser الشرك, les idoles. Fallait هذا quand le Nabi صلى الله عليه وسلم il leur disait قولوا لا إله إلا الله. فهم ils ont répondu هكذا أجعل الآلهة إلها واحدة. Ils ont compris que le fait de dire لا إله إلا الله الآلهة في الحقيقة الإله الحق واحد. أما tous les autres آلهة الإله c'est ce qui est adoré. ف Tout ce qui est adoré mindounillah, c'est bibatil. Falihada, ils ont compris, non? S'ils auraient prononcé la ilaha illallah, ils auraient dû délaisser l'adoration de Lat, ou al-Uzza, ou Manat, al-Thalithat al-Ukhra, et tout ce qu'ils adoraient mindounillah. Ils ont refusé. Ils ont préféré rester sur la religion de leurs ancêtres, et ils n'ont pas cru au message du prophète alayhi salatu wasalam. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wasalam, il les a combattus. Malgré qu'ils faisaient certaines adorations, malgré qu'ils avaient cette croyance en Allah, c'est le créateur, laquelle c'est d'aucune utilité. Cheikh al-Islam, il veut en venir où? Il veut montrer aux muslimines de son époque, et nahnu nastavid min kalamihi, à notre époque, walillahi alham, un pour être un musulman, c'est pas seulement un nom, c'est pas une étiquette. C'est pas seulement croire que Allah il existe, que Allah c'est le créateur. Là, pour être un musulman, un croyant, il faut avoir cette croyance, al-iman billah bien sûr, en Allah c'est le créateur, en Allah il existe, et كذلك en Allah c'est lui qui mérite l'adoration et il faut l'adorer. Et il faut accepter le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a akhri arkan al-iman qu'on ne détaillera pas ici. Al-muhim, on accentue maintenant sur ce point pour être un mu'min. Amma wahed, il s'appelle peut-être Abdullah, peut-être qu'il fait le salat, peut-être qu'il fait le hajj. Et la shakanahu yu'min billah, c'est pour ça qu'il fait le salat, il a fait le hajj, il a akhri. Lakin yushrik billah, il sacrifie pour les tombes, il fait le tawaf autour des tombes, il demande aux morts. Thumma, tu le conseilles et tu lui montres hada kullahu, et il comprend cette hujjah. Et il comprend le kalam. Lakin il refuse. Il dit, maintenant, vous êtes des wahhabis, vous avez amené un nouveau dîn. Et il dit, leurs parents, dans son pays, ils font telle chose. Aïna al-farq baynahu wa bayna al-mushrik. Il n'y a aucune différence, le haqiqa. Il y a une différence. Le mushrik, il n'a pas accepté le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a rejeté. Il l'a accepté en apparence, lakin le fondement de ce dîn, il le refuse. Le haqiqa, ça revient au même cas. Même s'ils ont certaines différences. Lakin, est-ce que les deux, ils adorent autre qu'Allah? Non. Le mushrik à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il adorait Lat. Et Hada, il adore Sidi Fulan. Ça y est, tu m'as dit que Lat, c'était un homme pieux. Le mushrik à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont adoré Lat, un homme pieux. Et à notre époque, Ba'dhum, ils adorent des hommes pieux. Mais Ba'dhum, ils adorent des Zalam. Ba'dhum, ils adorent des choses mawhum. Allah a'lam si ça existait ou pas, mais iyadun billah yushrikun. Tout ça c'est la conclusion et c'est le but. C'était le but de l'auteur avec هذا الكلام النافع الجميل. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب أي إذا قيل لهم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. انظروا الشيخ الهوزان حفظه الله إلى إكسبليكي لا إله إلا الله هنا. إذا قيل لهم لا إله إلا الله إلا إكسبليكي إذا قيل لهم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. C'est ça l'explication de لا إله إلا الله. أما واحد qui dit cette كلمة et il adore autre qu'Allah, لا تنفع ولا تنفع في شيء. Même s'il la répète des milliers de fois par jour. قالوا كما قال قوم نوح من قبل وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. كما يقول بعض المشركين اليوم quand tu le conseilles, tu lui montres bil hujja al wadiha wal burhan al sahih al sarih, malgré tout cela il يقول لا, nos parents, nos ancêtres dans notre pays vous avez amené un din jadid, exactement comme ils ont dit le mushrikoun à l'époque de Noé et comme ils ont dit le mushrikoun à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et comme ils disent بعضهم اليوم. قال كذلك هؤلاء المشركون كان الجدال الذي بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم هو في عبادة الله وحده لا شريك له. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وهم يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة. للأسف وسيأتي معنا أن بعض المسلمين كنسبا معنى لا إله إلا الله مع أن المشركين إذن كفخي. Ça nous montre à comprendre les choses, savoir les choses, ça ne suffit pas. Là, il faut comprendre et accepter et appliquer. À Ma'aoula, ils ont compris, là, ils n'ont pas voulu appliquer. Et Yadam Billah, ils se sont détournés. Walil Asa, Wadam Muslimin, à notre époque, ils aiment cette kalima. Là, qu'ils l'ignorent. Peut-être que si tu lui demandes, ça veut dire quoi, la ilaha illallah? On ne demande pas une traduction. Là, un arabophone, il ne connaît que la langue arabe. Peut-être que tu vas lui demander, ou ma yadri. بل بعضهم للأسف يقولون أن المعنى لا خالق إلا الله. هذا الصدق تقدم معنا أن السبالوسونس لأن المشركين إذن ركونوا هذا لا لا إله إلا الله أي سأدغي الله سل sans associé. لا معبود حق إلا الله personne ne mérite d'être adoré sauf Allah. لا شك أنه لا خالق إلا الله يا بعد كخاطر سوف الله لكن سبا معنى الكلمة وإلا فالمشركون كي comprenaient العرب كفار قريش القرآن اللي descendu en leur langue ils ont très bien compris فلهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة ça serait le معنى لا خالق إلا الله il l'aurait dit لأن ça contredit en rien ce sur quoi ils étaient reconnaissaient الخالق. Ils auraient reconnu en Allah c'est le créateur et ils auraient continué à adorer leurs idoles. Lakin ils ont très bien compris. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il a cité leurs paroles dans le Coran. Wa yaqulun hadha dinu aba'ina wa ajdadina hatta inna Aba Talib 'inda al-wafat lamma talaba minhu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam an yaqula la ilaha illa Allah aba an yaqulaha wa qala huwa 'ala millati 'abd al-Muttalib wa millatu 'abd al-Muttalib 'ibadatu al-asnam. وتستفيد من هذا أن نوفر بوكو الدعاء أن الله سبحانه وتعالى يثبتنا حتى الممات ويختم لنا بالحسنى. Qu'est-ce qu'il aurait perdu en prononçant ces quelques mots لا إله إلا الله quatre mots كلمة خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان يوم القيامة. On a étudié ensemble حديث البطاقة في كتاب التوحيد dans d'autres دروس أو dans des محاضرات. Il aurait rien perdu. Là, il a prononcé en deux secondes. Ça lui demande aucun effort physique. لكن عياذا بالله, son cœur il a pas accepté. لماذا لأن الله عز وجل يجد كئيب. أما هذا المشرك c'était l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a pas voulu la prononcer. Ça nous montre qu'on doit faire des efforts. Hatta ce moment très très important avant la mort, tu peux prononcer cette kalima. Et même si tu la prononces pas, tu meurs à la hadil kalima. Cette aqida, tu la contredis pas. Ayyadam billah. Qala huwa ala millat abdil muttalib wa millat abdil muttalib ibadatul asma. Et ça, c'est une des plus grandes causes d'égarement. Ayyadam billah, suivre les ancêtres aveuglément. Suivre une personne aveuglément. Huwa il a pris l'un comme hujjamada. C'est quoi son argument? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « La ilaha illallah »« Kalimatan uhajju laka biha inda Allah » Et si tu prononces cette kalima, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Je pourrais parler en ta faveur, etc. avec cette kalima, si il aurait cette kalima, il serait mort à l'islam. »« Wa qala huwa ala millat abdul muttalib wa millat abdul muttalib ibadatu al-asnam » كذلك آية أخرى في هذا المعنى قوله عز وجل إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. أي quand on leur disait de dire cette كلمة لا إله إلا الله أي le prophète صلى الله عليه وسلم quand il leur disait de dire لا إله إلا الله يستكبرون. Ça vient de le kibr, ils avaient de l'orgueil, ils n'acceptaient pas l'imam. وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرِ الْمَجْنُونَ. Ça ressemble au verset que Cheikh Al-Fawzan a cité dans Sourate Sad. وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا. Est-ce qu'on va délaisser nos idoles? هذا كذلك ça montre أنهم ils ont compris معنى لا إله إلا الله. Ils ont compris que le fait de dire لا إله إلا الله ça ne voulait pas dire seulement d'avoir la croyance en Allah, c'est le créateur. Là, Allah, c'est le créateur et c'est lui qui mérite l'adoration. Enfin, les Hadas, ils ont compris qu'ils devaient délaisser toutes leurs idoles. وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُوا أَلِهَتِنَا. تَارِكُوا أَي, est-ce qu'on doit délaisser, ça vient du mot tark, délaisser, أَلِهَتِنَا, nos idoles. ثُمَّ, ils ont accusé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam d'être un sha'ir, un majnoun. هَكَذَا كُلُّ مُبْطِل. هكذا كل مبطل quand واحد il n'arrive pas à répondre à l'hujja à un argument et عياذا بالله il n'arrive pas à accepter la vérité il met la faute sur l'autre. ويقولون أإنا لتاركوا آلهتنا للشاعر المجنون. Est-ce qu'on va délaisser nos idoles pour ce شاعر ce poète مجنون أي fou. Ils ont accusé Afdalu al-Bashar avec cette accusation très très grave. Pourtant, il leur a demandé de dire cette kalima pour leur bien. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Lakin hakada ahlul batil. N'accepte pas le haq, les malades à cause de quoi? À cause de l'orgueil. Et dans l'autre, dans le hadith, l'histoire avec l'oncle du prophète sallam, at-taqlid, suivre aveuglément. On fait attention à ces deux choses, à suivre aveuglément et l'orgueil. Si quelqu'un te conseille, si c'est haq, accepte. قال ويقولون هذا دين آبائنا وأجدادنا قرأنا قال هذا هو محل النزاع بين الرسل وبين الأمم فالرسول أو فالرسل يقولون للأمم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ولكن المشركين أبوا إلا البقاء على عبادة الأصنام فالخصومة بين الرسل وبين الأمم هي في توحيد الألوهية ça ce qui opposait la cause de l'opposition entre الرسل ou à leur qom, leur peuple. Les messagers, les prophètes et leur peuple, la cause de divergence, c'était Hada. Ils n'ont pas accepté la ilaha illallah, ils n'ont pas accepté le sens et l'appliquer. Et s'écarter du shirk et adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Seul et c'est ça, la base de notre deen. قال أما توحيد الربوبية فهو محل إجماع عند الجميع لم يخالفوا فيه وإنما خالفوا في توحيد الألوهية فهو محل النزاع وهو الذي شرع من أجله الجهاد في سبيل الله. C'est pour ça que le Nabi صلى الله عليه وسلم les a combattus. Quand ils ont refusé d'accepter la shahada, de la prononcer, de la mettre en application, de délaisser leurs idoles, il les a combattus. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله فلو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب منهم الإقرار بتوحيد الربوبية ما صار بينهم خصومة ولا نزاع لأنهم معترفون به سمعنا لا إله إلا الله c'était كما يقول بعض الجهال le fait de croire que il n'y a pas de créateur sauf Allah. فالنبي صلى الله عليه وسلم il les aurait jamais combattu بل لا شك أنهم il leur aurait dit وانتهى الأمر لأننا on est tous d'accord بهذا. Ça montre là il y a autre chose et les deux versets qu'on a cités ils sont clairs. Le verset qu'on a rajouté, le verset que Cheikh Boudin l'a cité Fichar, ils sont clairs. On les répète. قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلْ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ قال رحمه الله كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا وهذا أمر ثاني من شأن المشركين كما أنهم يعترفون بتوحيد الربوبية فهم أيضا يعبدون الله فيدعونه ويحجون إلى البيت ويعتمرون ويتصدقون ويعبدون الله بأنواع العبادة لكنهم يخلطونها بالشرك بحيث يعبدون الله ويعبدون غيره. المؤلف رحمه الله إلى ستي من précision هنا أن مع أنهم يغوكونسي أن الله سلوك خاطر إلى آخره كذلك يزادوا الله سبحانه وتعالى أي يزاكم بيسي سيختين زادوا غاسيون بو الله عز وجل لكن يزون تو أنولي أن أدوغان كذلك لزيدون فلهذا الشيخ البوزان حفظه الله تعالى إلى ديمونتخي أن ست عبادة اللي ميلانجي avec du الشرك هذا الشرك quand il se mélange à العبادة عيادا بالله c'est pire qu'un poison, ça annule. Comme la nourriture, si elle est mélangée avec un poison, tu ne peux plus utiliser cette nourriture, la manger, il a akhari. Elle est plus valable. ولهذا يقول جل وعلا وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أي si tu veux que ta ibadah soit sahiha écarte-toi du shirk وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا تقدم معنا في القاعدة الأربع أن العبادة c'est comme الطهارة بل الطهارة ça fait partie de l'ibadah لكن l'exemple qu'il a cité le مؤلف avec الطهارة il est طيب أن الطهارة peut être annulée avec الحدث إما الأكبر إما الأصغر أي les annulatifs de l'eau d'eau des ablutions de la purification. مثلا dormir, مثلا uriner, مثلا avoir des rapports avec sa femme, tout ça, ça annule الطهارة. فهكذا العبادة دي الشوز كي لا نول et on va étudier ensemble ولله الحمد في نواقض الإسلام. Et le premier naqid, le premier annulatif que le mu'allif il a cité, rahimahullah, c'est le shirk billah. Ça nous montre que l'ibada c'est très très important, mais il faut faire attention que cette ibada ne soit pas annulée. Faire tahara c'est très très important pour faire le salat. Le salat elle n'est pas acceptée qu'avec le tahara, qu'avec le wudu. Si un fait le tahara, il se laisse aller, il annule le wudu. Est-ce qu'il pourra faire le salat? On doit préserver l'islam. أما في الحقيقة annuler الطهارة ça c'est pas grave, je refais le wudu et alhamdulillah انتهى الأمر, بل c'est normal. لكن annuler l'islam c'est très très grave, عياذا بالله. وقال سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ما اقتصر على قوله فليعمل عملا صالحا. فمن كان يرجو لقاء ربه, celui qui espère rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala à la haqq. Allah subhanahu wa ta'ala, il est satisfait de lui. Et que son amal soit maqboul. Et qu'il soit récompensé. Celui qui espère tout cela, liqa Allah subhanahu wa ta'ala, rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala à la khayr. Deux choses. Faliyamal amalan salihan. Qu'il fasse des bonnes œuvres. Lakin, ça ne suffit pas. Qala azza wa jal, wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada. لماذا لأن الإشراك بالله سأنل العمل الصالح. Vous avez remarqué dans ce verset les deux choses sont citées, faire des efforts et adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et كذلك s'écarter des choses qui annulent ces efforts, les annulatifs de l'islam qu'on a étudié ensemble, الشرك والسحر, insulter la religion, se moquer إلى آخره. قال ما اقتصر على قوله فليعمل عملا صالحا بل لابد أن يتجنب الشرك. فإذا كان لم يتجنب الشرك لو كان يعمل أعمالا كثيرة فإنها تبطل ولا تنفع. يعني نستفيد من هذا أن الإسانسيال c'est pas de faire beaucoup de عبادات. Faire beaucoup de عبادات avec le tawhid et en suivant sunnah c'est طيب, c'est très très important. لكن faire beaucoup d'adoration et عيادا بالله annuler ces adorations, فما الفائدة؟ C'est comme remplir un récipient d'eau et ce récipient il est troué. Tu remplis et l'eau elle fuit. Tu trouveras toujours ton récipient vide. Ah, kada al-shirk avec l'amal. Wa qadimna ila ma amilu min amalin wa ja'alnahu haba'an manthura. Yawm al-qiyamah ils trouveront rien. Wala shay. Ah, kada al-mushrik. Qala wa hiya min baqaya aw qabla hada fa al-mushrikun kana 'indahum 'ibadat lillah عز وجل وهي من بقايا دين إبراهيم الخليل عليه السلام فكانوا في البداية على دين إبراهيم ولكن لما جاء عمرو بن لحي الخزاعي غير دينهم وأدخل فيه الشرك كما تقدم معنا au début du شرح de Cheikh al-Fawzan. كذلك on précise ما يتعلق بالعمل أن سكيان للعمل c'est الشرك. Et كذلك البدعة une œuvre qui n'est pas fondée sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle n'est pas acceptée. فَلِهَذَا فِي الْآيَةِ Allah subhanahu wa ta'ala قَالْ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. مَا قَالْ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا, une simple œuvre, là, عَمَلْ صَالِح. وَالْعَمَلْ صَالِح c'est un عَمَلْ qui est fondé, qui est basé sur la sunna de notre prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est une condition pour que l'amal soit accepté. La deuxième, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, il s'écarte du shirk. لا بد من الأمرين, عمل صالح وعمل خالص لدو. لهذا لما سئل الفضيل بن عياض رحمة الله عليه عن العمل الصالح قال أخلصه وأصوبه. سأل عمل الصالح أخلصه كي فوندي سور الإخلاص وأصوبه كي فوندي سور الصواب. والصواب سي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Et واحد peut se demander كيف هؤلاء ils avaient des adorations. Qui c'est qui leur a montré ces adorations avant la venue du prophète alayhi salatu wasalam? Comme parle le Cheikh al-Fawzan, il leur restait certaines choses, certaines ibadat de din Ibrahim. Ma yata'allaq bi baytillah al-haram, al-tawaf hawla al-ka'ba, etc. Il leur restait ces choses. Lakin ils ont déformé. Mathalan al-tawaf, iyadan billah, certains le faisaient nu. Comme ja'a fi ba'd al-ahadi. Ça montre qu'ils ne connaissaient pas le tawaf. Et c'est parmi les restes de la religion du prophète Ibrahim, alayhi salam. Là, ils ont des formes. مثل النصارى aujourd'hui لو غست certaines choses لكن ils sont déformés et c'est plus accepté عيادا بالله. قال وهي من بقايا دين ابراهيم الخليل عليه السلام فكانوا في البدايه على دين ابراهيم. نعم في الجزيره العربيه ils étaient على دين ابراهيم لكن عيادا بالله ils ont adoré les idoles plus tard et parmi les asbab فعل نعم ابن لحي الخزاعي انه il a emmené des idoles من الشام qui étaient adorées et elles ont été adorées في الجزيره. قال لكن بقيت بقايا من دين ابراهيم عندهم وهم مشركون فهم يدعون الله خصوصا اذا وقعوا في الشده. Et ça c'est important. بعض الناس ils n'arrivent pas à comprendre. يقولون كيف تقولون كما تقدم معنا في الدرس السابق ان فلان من الناس c'est un مشرك او ce groupe c'est des مشركون alors qu'ils font le حج ils font الصلاة. لانهم ils n'ont pas compris c'est quoi un مشرك. Un mouchrik, ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas d'adoration. Là, au contraire, un mouchrik, ça veut dire qu'il adore Allah, il adore un autre. Il a celui qui ne croit pas, qui ne fait pas d'adoration. Un mouchrik. Il ne fait aucune adoration. Un maddi. Il adore le dunya, il adore le shaitan. Lakin haoulala mouchrikoun. C'est pour ça que tu trouves Adul Mouchrikin, peut-être qu'il va faire le hajj, peut-être qu'il fait le siyam. Lakin. الدعاء إلى أنبوك أمور الدبح إلى يسكرفي بور لطن النظرة أن فيه يفعله فيه بور لطن وهكذا كثير من العبادة. قال فإنهم يخلصون الدعاء لله ويتركون دعاء الأصنام أو قبل هذا إذا وقعوا فهم يدعون الله خصوصا إذا وقعوا في الشدة فإنهم يخلصون الدعاء لله ويتركون دعاء الأصنام لأنهم لا تنفع في هذا الموقف ولا تنجدهم في وقت الشد عليهم بهذا. فقال سبحانه وإذا مسكم الضر في البحر ظل ما تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. هكذا حال المشركين على époque du prophète عليه الصلاة والسلام quand ils étaient في الشدة فيخلصون. Ça nous montre أن même dans certains cas ils adoraient Allah seul, c'est aucune utilité. لماذا؟ لأنهم ils ont fait du shirk. Et celui qui a fait du shirk, là, بد من توبة. Mais s'il ne fait pas de توبة, et à un moment donné, il adore Allah seul, ثم il refait du shirk, c'est aucune utilité. Le shirk, ça annule complètement les œuvres. La seule chose pour se débarrasser de ce shirk, c'est التوبة. Et ne plus recommencer. هذا أولا. ثانيا, أن هؤلاء في حال الشدة, كما قال عز وجل, ils adoraient Allah سبحانه وتعالى seul. وإذا مسكم الضر. الضر, c'est le mal. Quand ils étaient touchés par un mal, et le bahr, matalan, quand ils étaient en mer, c'est très difficile. Les mains, ils savaient quand ils étaient au milieu de l'océan, et leur bateau, leur navire, il était pris par une tempête, ils savaient très bien que leurs idoles, qui qu'elles soient, elles n'avaient aucune capacité pour les sauver. C'est pour ça qu'ils revenaient à Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalla ma tad'ouna illa iyyah. Ils oubliaient tout sauf Allah subhanahu wa ta'ala. فلما نجاكم إلى البر. البر c'est la terre. Quand ils étaient sauvés, ils arrivaient à revenir sur terre et à être sauvés. قال عز وجل أعرضتم. أي c'est détourné. Ça c'est من كفر النعمة عيادا بالله. Au lieu d'être reconnaissant et remercier et faire des efforts et accepter le haq, quand ils revenaient à leur shirk. قال عز وجل وكان الإنسان كفورا. كثير من الناس يسعى على هذا الحال كفر عيادا بالله. يزبل الخير يزبل الست نعمة. أما المشركون على الخفق عيادا بالله فبعضهم ils ont déjà vécu cette situation أنهم ils étaient au milieu de l'océan et ربما تعلمون avec le vent إلى آخر الإنسان يخاف على نفسه. Le bateau il commence à bouger, l'eau elle commence à rentrer. وعد المشركين à cette époque, à ce moment, كل واحد يلبل السيد. يا عبد القادر يا جيلاني يا تيجاني يا فلان يا بدوي عيادا بالله. Même au moment de détresse et de difficulté, يشركون. C'est la différence, une des différences entre المشركون الأولون والمشركون المعاصرون, ceux de notre époque. On a vu ce point dans quel livre? Hein? Quelle règle? نعم القاعدة الرابعة أن المشركين de notre époque ils sont pires que ceux de l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Et une des différences, c'est ce point. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَطَّارٍ كَفُورٍ. Et ça ressemble au verset précédent. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ. Le mawj, c'est les vagues. Et quand ils sont au milieu de l'océan et ils sont cernés de toutes parts par les vagues. قال عز وجل دعوا الله مخلصين له الدين. Ils invoquaient Allah seul. Comme quand ils étaient sauvés, عياذ بالله, ils revenaient à leur shirk. قال الشيخ الفوزان فالعبادات إذا خالطها الشرك تكون باطلة. فالدين أو فالذين يدعون الإسلام الآن ويصلون ويصومون ويحجون ولكنهم يدعون الحسين والبدوي وعبد القادر الجيلاني هؤلاء مثل المشركين الأولين. والله بعضهم يسمى أشد في الإنكار والإعراض والشرك كما تقدم بعضهم au contraire à notre époque quand ils sont au moment de difficulté فيشركون أكثر et quand ils sont au moment de facilité d'aisance فيشركون عياذا بالله et ces noms qu'il a cités c'est des أولياء بعضهم نعم الحسين c'est un صحابي le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam et بعضهم c'était des salihins et بعضهم الله أعلم بحالهم المهم que ce soit un salih ou pas on n'a pas le droit de l'adorer. قال فالمشركون يتعبدون لله عز وجل ولكنهم يدعون اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ولا يقولون إن هذه أرباب بل يقولون هذه تقربنا على الله زلفا نريد منها الزلفا عند الله والتقرب إلى الله. الزلفان عام أي ça ressemble à التقرب أي المشركون كانوا يعبدون الله ils adoraient Allah لكن ils prétendaient que ces idoles qu'ils adoraient كذلك c'était pour les rapprocher d'Allah فتأملوا ils reconnaissaient Allah سبحانه وتعالى en tant que créateur ils adoraient parfois Allah سبحانه وتعالى كذلك ils adoraient leurs idoles pour que ces idoles les rapprochent d'Allah سبحانه وتعالى ما هذا c'est les مشركون لماذا لأنهم ils ont adoré autre qu'Allah. Enfin, ils n'ont pas renié, ils n'ont pas rejeté Allah, c'est le Créateur, ils n'ont pas insulté Allah subhanahu wa ta'ala directement. Là, lakin kafaru à cause de hada shirk. Et بعض الناس لا يفهمون. Ils pensent que le fait de dire la ilaha illallah, même si l'insan il est gharik fi shirk, il dit lakin c'est un musulman. Ka'annahu, l'erreur qu'il a faite c'est un petit péché. Ou c'est une mukhalafa, ou c'est le mahal, ou plutôt le mukhalafa viha niza' bain ahl al-ilm. Comme si c'était. أخلاف بين أهل العلم لا تنكر عليه لا بأس كأنه هذا عياذا بالله alors que ça ناقد من نواقض الإسلام مجمع عليه بين أهل العلم أو كخلاف في هذه المسائل entre أهل الحق entre الموحدين أما الصوفية والروافض فلا يلتفت إلى أقوالهم في هذا قال وهؤلاء يقولون الحسن أو on a pas fini قبل نعم قال ولا يقولون إن هذه أرباب بل يقولون هذه تقربنا على الله زلفا نريد منها الزلفة عند الله والتقرب إلى الله فهي وسائط وشفعاء بيننا وبين الله وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. C'était ça leur intention. Leur intention c'était de se rapprocher d'Allah سبحانه وتعالى. لكن ça ça nous montre on ne fait pas ce qu'on veut. Celui qui veut se rapprocher il veut qu'Allah il soit satisfait de lui, il veut avancer vers Dieu, il doit suivre le messager que Allah il a envoyé. Ha'ulal an qalu wa ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Si vous voulez vraiment se rapprocher d'Allah, limada ils n'ont pas suivi son messager. Pas ça montre ayyadan billah annahum ils étaient malades. Allah il leur a envoyé un messager, il a fait descendre un livre, ils ont rejeté tout ça et ils ont prétendu annahum ils vont se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala à leur manière. وقعوا في الشرك سنموت لا غرافيتي دو ديليسي لا فوا دو بروفيت عليه الصلاه والسلام هكذا اليوم لا ميم شوز الشيعة مثلا الرافضه فظن ان تو سكي فون يبون تدير لا سي باسكو ديتست الاسلام يبون تدير انهم سي او الفرقه الناجيه سي او كي اون كونكري الدين يفو فير تيل شوز عياذا بالله لو دين يفوندي سو الكفر والشرك والخرافات سنموت ان سولي كي فو افونسي يسوي الرسول سي لا سول لو سول مويان بور اريفي. أما واحد يبغى faire les choses tout seul comme il pense avec sa raison هذا عياذا بالله يلوبر une porte d'égarement. قال قال وهؤلاء يقولون الحسن والحسين وعبد القادر والبدوي إنما هم شفعاء لنا عند الله ولا يقولون إنهم يخلقون ويرزقون ويتصرفون في شيء من الأمور وإنما هذا لله عز وجل إنما هؤلاء والساقط وشفعاء وبعضهم عياذا بالله ils ont dépassé les limites أي plus grave encore يعتقدون أن الأولياء يخلقون إلى آخره عياذا بالله وإلا فكثير منهم يسأل هذا يسأل هذا أنهم si tu lui demandes مثلاً ce ولي qui visite ربما il voyage pour visiter sa tombe et il fait pas autour de sa tombe il lui demande si tu lui demandes est-ce que c'est lui le créateur il va te dire أبداً il va te dire le créateur c'est Allah عز وجل أنت automatiquement tu vas lui répondre فلماذا tu l'adores si c'est pas le créateur هكذا المسلم il doit réfléchir pourquoi tu l'adores si c'est pas le créateur si tu l'adores c'est que c'est le créateur pour toi يقول فأنت tu vas lui dire فلماذا tu l'adores oh, il va te répondre c'est une belle chafère je lui demande pour qu'il demande à Allah et c'est ce point qu'on doit bien comprendre et on doit montrer à nos proches il y en a كثيراً mais les gens ils n'ont pas compris هذا الباب et nous on doit montrer et alhamdulillah certains quand tu leur montres ils étaient vraiment sincères et ils ne savaient pas ils reviennent et ils trouvent ces al-khurafat ويقول بعض الناس هؤلاء مسلمون فنقول ولماذا لا يكون كفار قريش مسلمين أيضا شيخ روزان هنا يمونتخ أن السلام مكة pourquoi on a dit كفار قريش c'était des كفار لماذا لأنهم ils n'ont pas adoré Allah seul فلماذا هؤلاء ça sera on dirait que c'est des مسلمين لكن ينشبها لأن هؤلاء disent لا إله إلا الله أما كفار قريش ils n'ont pas dit لا إله إلا الله ils ont refusé لكن في الحقيقة le fait de la prononcer est-ce que c'est suffisant si l'insan عيادا بالله il l'a contredit là enfin c'est pour ça qu'on va donner ils ont du mal à comprendre les deux cas ah, ma chère Vosan pourquoi il ne fait aucune différence il sait que prononcer ou pas si elle a annulé c'est d'aucune utilité va bien comprendre ce point قال وهذا القائل ليس عنده فهم للتوحيد ولا بصيرة لأنه ما فهم التوحيد والواجب على الإنسان أن يعرف هذا الأمر أنه مهم جدا وهذه هي الثقافة الصحيحة ليست الثقافة أن تعرف أحوال العالم والحكومات والسياسات هذه ثقافة لا تنفع ولا تضر نصيحة جميلة يخطو عن أدخبك سيسا العلم الثقافة سلا كولتور être cultivé, avoir de connaissances. Pardon, il pense que avoir des connaissances, c'est hada. Connaître ce qui se passe dans tel pays, la politique et la akhir. Hada comme a dit Rouzan, la yanfa' ou la yadur. Et احيانا ça fait plus de mal qu'autre chose, c'est une perte de temps. Fa al-thaqafa al-sahiha, celui qui veut être vraiment cultivé, avoir du ilm, quelque chose qui lui soit profitable fi dunya wal akhirah, c'est de comprendre hada tawhid. Mais tu trouves بعض المثقفين اللي زابط مثقف ça peut être considéré comme philosophe ou avoir une haute place dans la société un où il a fait des études il a des diplômes comment tu le trouves quand il a un jour de repos il voyage pour aller visiter al-wali un mort ربما يفعل طواف ربما يدمون هذا في الحقيقة c'est un jahil même s'il a fait des études même s'il a des diplômes la chose pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il l'a créé fa la ya'lamuha أو peut-être qu'il sait et il a contredit volontairement عيادا بالله على كل حال ما وفق ça reste un jahil نحن on doit faire des efforts هذا on fait attention قيل والقال on n'est pas à l'abri ne pensez jamais on s'est déjà conseillé beaucoup sur ce point ne pensez jamais que ce genre de nasa'ih de أهل العلم c'est que pour les autres et نحن on lit et on se sent à l'abri أبدا كم من قيل وقال on entend et ربما des choses simples في هذا الباب لا sont pas maîtrisés حفظا وفهما هذا on doit faire des efforts في هذا et délaisser le qil wa qal ils vont faire dans tel pays ils ont fait ils avancent ils reculent ترك هذا الأمر إلى بيد الله et انت tu seras interrogé sur quoi pas sur les autres fais des efforts et sois utile pour les autres quand tu seras à la ilm tu seras utile أما suivre les infos suivre l'actualité c'est une perte de temps خاصة celui qui rentre dans la politique et la akhiri et il croit que son kalam il est entendu et personne l'écoute al muski faites attention à hada apprenez hada al bab c'est miftah al sa'ada c'est la clé du bonheur fi dunya wal akhirah قال الثقافة التي تنفع هي معرفة التوحيد الصحيح ومعرفة ما يضاده من الشرك أو ينقصه من البدع والمحدثات. هذه هي الثقافة الصحيحة، وهذا هو المطلوب من المسلم ومن الطالب، أن يعرف التوحيد وأن يدعو إليه. هذا هو المطلوب. C'est pour cela que tu as été créé et que j'ai été créé, qu'on a tous été créés. Ma'rifatullah. Appliquer hada at-tawhid, tawhid al-ibada. Faire des efforts sur l'ilm. Les premières questions qui te seront posées, Akhi al-Karim, et à nous tous, fil qabr, la première question, man rabbuk. Man rabbuk. Ça ne sera pas que la langue. Il y en a hatta al-mushrikoun qui ont reconnu anna. أن الله هو الخالق إلى آخره. إسك تظن أنهم يزون ربون؟ أبدا. يكل مسلم كي ربون. سلوك ربون غا. سلوك كي أدوغي هذا الرب. أن في القبر يكل دو منصنج. يكل دو تلبيس. On fait des efforts في هذا. On délaisse les choses inutiles. Il y a beaucoup de choses inutiles à notre époque. قال ماذا ينفع العلم؟ الكثير من غير التحقيق ومن غير بصيرة لا ينفع شيئا ولا يفيد صاحبه شيئا. إذ لم يكن مبنيا على تحقيق توحيد وعبادة لله ومعرفة للحق من الباطل فإنه لا ينفع صاحبه إذا كان مجرد اطلاع أو مجرد ثقافة عامة. كذلك في précision هنا أن faire attention à ne pas faire des efforts dans des علوم et délaisser la base. مثلا واحد اللي قوي في المصطلح أو اللي قوي في الأصول il connaît rien في علم التوحيد. Vous avez remarqué que بعض أهل البدع ils ont de la قوة. Et ils font beaucoup d'efforts dans certains ulum. Tu trouves fil nahou, beaucoup qui ont atteint certains niveaux fil nahou, c'est des mubtadi'a pour moi. Pardon, c'est des soufis. Ayyadam billah. Pourtant, ils ont atteint un niveau fil ilm nahou. Fil usul, la même chose. Pardon, ils ont atteint un haut niveau fil usul, c'est des asha'ira. Al-asha'ira, ils expliquent la ilaha illallah. Que le mushrik, il a compris c'est quoi le ma'na. Al-asha'ira, il l'explique avec la khaliqa illallah ila akhir. Aïe que c'est Allah le créateur. في المصطلح لا من شوز تخوض بعضهم زعطان يبو اي فون بارتي دو اهل البدع يد بالله فاسا نو مونتر ان اون في اتونسيون دو نو با نيجليجي لا باز اون ا بيزوين دو لانغ عربي اون في دي زيفور دان لانغ عربي اي اون ميم طون اون ابرون تو اما فير كوم سيرتان هوم دي زاني اون لانغ عربي اي زون جامي ايتودي ان رساله في التوحيد سي اون مور فماذا كومون اون في لا الله nous a créé que pour هذا فهم تن دو طاعة سو التوحيد لابد لابد الإنسان يجليش با لزوت علوم نكتفي بهذا ينبس عن نتخدم درس